Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de l'animation, de la mise en onde, du choix musical et de la recherche avec la complicité de Denis Marchand, Noël Douville et Robert Blanchette. Aujourd'hui à l'émission, nous aurons Chat Noir d'Italie, Jersey and Jack de Pologne, Crippled Black Phoenix d'Angleterre, The Gift d'Angleterre, Il Paradiso degli Orchi d'Italie, Jason Rubinstein, Nine Stones Close et Jadis, tous trois d'Angleterre. Nous aurons Rob and Pot d'Allemagne, If These Trees Could Talk des États-Unis et nous allons conclure avec une demande spéciale de Luc de l'Assomption, Pink Floyd, avec un extrait, en fait deux extraits de Wish You Were Here. On débute ça avec Chat Noir, une formation italienne qui a 6 albums à son actif et on va entendre un extrait du plus récent. L'album s'intitule Nine Thoughts for One Word. On va enchaîner ça avec une nouvelle parution aussi de Pauline de Jersey and Jack. Jersey and Jack, qui était le guitariste de Albion, il vient de faire sortir son deuxième album. L'album s'intitule String Theory. Et on va conclure le bloc avec Crippled Black Phoenix, qu'on a entendu il y a quelques semaines avec la pièce Echoes en reprise. C'est la pièce qui apparaissait sur Metal de Pink Floyd dans les années 70. Alors, on a fait jouer la partie 1 et on va conclure aujourd'hui avec la partie 2 de Echoes. Alors, on débute ça avec Chat Noir. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Thank you. Alors, c'était Crippled Black Phoenix avec la pièce Echoes, un petit peu remaniée. Et c'est extrait de New Dark Age. C'est un album qui est paru il y a quelques semaines. Et ça a été précédé d'une nouveauté de Pologne, du musicien Jerzy Anczak. Et la pièce qu'on a entendue, c'est Pill. Et c'est extrait de String Theory. Et c'est paru il y a quelques semaines aussi. Et en début de bloc, nous avions Chat Noir d'Italie avec la pièce Soft Ground. Et c'est tiré de leur dernier album, 9000 for One Word. Après la pause, The Gift, Il Paradiso d'Egli Orki et Jason Rubinstein. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici rendus au deuxième bloc de l'émission avec, pour débuter, une formation britannique du nom de The Gift. C'est un groupe qui existe depuis 2006 et ils viennent de faire paraître leur dernier album il y a quelques jours. L'album s'intitule « Why the Sea is Salt ». Et on va entendre un extrait de cet album-là. Ça sera suivi d'une formation italienne du nom de « Il Paradiso degli Orchi ». C'est un groupe qui existe depuis 2010 et il vient faire paraître il y a quelques mois son deuxième album « Il Corpo Nota ». On va entendre un extrait de cela aussi. Et on va conclure le bloc avec Jason Rubinstein des États-Unis, qui a déjà un cinquième album à son actif. L'album est paru toutefois le dernier en 2014. Il s'intitule « New Metal from Old Boxes ». Et on va entendre un extrait. Alors on débute ça avec « The Gift ». Thank you. intrepid sailor of the past. Ulysses commands his crew, tie him to the mast. Tormented by the siren's song, a melody too beautiful, the harmony so strong. Captain to a loyal band of men, Theseus rebuilds his craft and launches it again to steer his ship of fools whichever way the tidal current pools. Nature has its say. The tallest ships give way beneath the ocean waves. The old man and his salty dogs end their days, awaken from their sleep. The mighty monarchs of the deep rise in their majesty, the rulers of the sea. We'll be right back.

venez d'entendre Jason Rubinstein des États-Unis avec la pièce A Burden of Secrets, et c'est extrait de l'album de New Metal From Old Boxes. Ça, c'est paru en 2014. Ça a été précédé de la formation italienne Il Paradiso degli Orchi avec la pièce Volare Via, et c'est extrait de Il Corpo Nota. C'est un album qui est paru au début de l'hiver 2016. Et petite parenthèse ici pour mentionner que cette formation Il Paradiso degli Orchi sera de du festival Terra Incognita qui est prévu pour le 20 et 21 mai, ou le 21 ou le 22, en tout cas la fin de semaine de la fête de l'art ou des patriotes. Alors cette fin de semaine-là, il y aura 6 formations. Je donnerai les détails la semaine prochaine, mais juste pour mentionner que Paradiso degli Orchi sera présent le dimanche, et il y aura aussi ce dimanche-là Ossonaten, la formation de Fabio Zuffenti d'Italie, et il y aura The Comedy of Errors d'Écosse aussi cette journée-là. Alors après la pause, Nine Stones Close, Jadis et Robin Pot. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Nous voici donc rendus au troisième bloc de l'émission, et on va débuter ça avec une formation britannique du nom de Nine Stones Close. Ils viennent de faire paraître un nouvel album. L'album s'intitule Leaves. C'est le quatrième de la formation, le quatrième album studio depuis 2008. Et on va enchaîner avec une autre formation britannique dont les musiciens se promènent un petit peu. Je parle ici de Jadis, qui ont 9 albums studio à l'heure actif. C'est un groupe dont les musiciens, je mentionnais, qui se promènent un petit peu en aller-retour avec la formation IQ. Alors, c'est un gage de qualité, selon moi. Et on va conclure avec Rob and Pot. C'est un nouveau groupe. En fait, c'est une liaison de 2 musiciens. Un est américain et l'autre allemand. Paul Pot, vient de la formation américaine Space Invaders, et Robbie Robb, lui, vient de la formation Third Ear Experience, qu'on connaît un petit peu plus expérimental comme rock, mais je pense que Robin Pot nous propose ici quelque chose d'un petit peu plus psychédélique. Alors on débute ça avec Nine Stones Close. Like me. Thank you. I see the evil in a thousand staring eyes. I hear the torment in a hundred muffled cries. Who lights the fuse that burns the houses to the ground? Who kills a man who only dared to make a sound? Why don't we run away? Alors, c'était le tandem de musiciens britanniques, c'est-à-dire américains et allemands, Rob and Pot, avec la pièce Flesh and Steel. C'est extrait de leur premier album qui vient tout juste de paraître, Once Upon the Wings. Ça a été précédé de la formation Jadis, et on a entendu A Thousand Staring Eyes, et c'est extrait de No Fear of Looking Down. C'est aussi une nouveauté. Et au début de bloc, nous avions Nine Stones Close, formation britannique, avec la pièce-titre de l'album Leaves, qui vient tout juste de paraître. Après la pause, If These Trees Could Talk et Pink Floyd. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, voici rendu au dernier bloc de l'émission et on va débuter ça avec une formation américaine de style post-rock, math-rock. Le nom du groupe, c'est If These Trees Could Talk. Et c'est un groupe qui a deux albums et qui vient de faire paraître The Bones of a Dying World. Et on va entendre Iron Glacier. Et on va conclure avec une demande spéciale d'un fidèle auditeur de l'Assomption. Et j'ai nommé Luc. Et Jeannette ne doit pas être bien, bien loin. Alors, on va le faire jouer Pink Floyd avec Wish You Were Here et Shine On You, Crazy Diamond. Alors, on commence ça avec If These Trees Could Talk. Thank you.

Shine on your crazy diamond. Alors, c'était Shine on You Crazy Diamond de Pink Floyd, qui est passé aujourd'hui en demande spéciale de Luc de l'Assomption. On le remercie de nous avoir fait donner l'opportunité de reprendre cette pièce magistrale qui, rappelons-le, est sortie en 1975. On parle de 41 ans d'âge et croyez-moi, cette pièce-là n'a pas vieilli. Votre animateur non plus. Et ça a été précédé par If These Trees Could Talk avec la pièce Iron Glacier et c'est tiré de The Bones of the Dying World. Alors, ceci met fin à l'émission et je rappelle aux auditeurs qui voudraient réécouter l'émission ou en entendre une partie, vous n'avez qu'à consulter la page Facebook de Rock de Neurones et vous y trouverez un lien qui vous amènera sur SoundCloud où vous pouvez écouter les pièces selon votre discrétion et c'est en format qualité. Et puis, ceux qui désirent retourner en arrière et accéder à des émissions archivées, eh bien, la même page Facebook, Rock de Neurones, vous permet d'y accéder et vous choisissez parmi les 70 émissions qui sont offertes. Alors, c'est Jimmy Farley qui vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.